FrenchPod.com. Bonjour, excusez-moi, vous avez de la monnaie ? Ça dépend, qu'est-ce qu'il vous faut ? J'ai un billet de 100 et il me faudrait un billet de 50, deux billets de 20, un billet de 5, 4 pièces de 1 et 10 pièces de 10 centimes. Vous m'avez pris pour une banque ? Désolé, je vais demander au magasin d'en face. Je plaisante. Attendez une minute.